بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 29 Ramadan 1441. On se retrouve sur les ondes de Radio Taqwa pour un cours sur la prière des deux célébrations, la prière des deux Eid. Bab, on prenons ce chapitre dans Umdat al-Ahkam, avec l'interprétation de l'érudit du Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, intitulé Tanbih al-Afham. Babu salat al-Eidain. Al-Murad bil-Eidain, Eid al-Fitr min Ramadan, wa huwa awwal yawm min Shawwal, wa Eid al-Adha, wa huwa al-Ashir min Dhul-Hijja. Donc, la prière des deux Eid, ce qui est désigné ici par l'Eidain, la fête ou la célébration, les célébrations qui clôturent le mois de Ramadan, le premier jour du mois de Shawwal, et celle, la célébration de Eid al-Adha, la célébration du sacrifice, qui se passe le dixième jour de Dhul-Hijja. سمي عيدين لأنهما يعودان ويتكرران كل عام وكل منهما مرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام والتقرب إليه بذبح القربان، وفي كل منهما صلاة خاصة وذكر ودعاء وموعظة وتوجيه، يجتمع المسلمون على ذلك فيحصل لهم من رحمة الله تعالى وإجابته ومغفرته ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، كما يحصل لهم من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم. إذنك les deux célébrations ont été nommées Eidain, ainsi car elles se répètent chaque année. Parce que l'Eid vient du verbe Aadayaoud, qui veut dire revenir, revient. Et donc l'Eid a été appelé ainsi parce qu'il revient chaque année à date fixe. Et donc chaque Eid est lié, chaque célébration est liée avec l'une des nobles œuvres et l'un des piliers de l'islam. Eid al-Fitr est lié avec le jeûne. Eid al-Adha est lié avec le pèlerinage vers la maison sacrée. Et on se rapproche d'Allah par un sacrifice. Et pour chacun de ces deux célébrations, on accomplit une prière spécifique et des invocations et des du'as, ainsi qu'une exhortation. Les musulmans se réunissent pour cela. Ainsi, ils obtiennent l'exauce de leur du'a et la miséricorde d'Allah et son pardon qui feront leur bonheur dans ce bas monde et dans le-delà. Et ils obtiennent d'autres points bénéfiques sociaux, comme l'entretien des relations familiales, la joie, le bonheur, qui les apaise et purifie leurs œuvres. ومن أجل تمام الفرح والسرور وشموله للمجتمع كله، شرع الله تعالى بحكمته ورحمته في هذين اليومين ما به مواساة الفقراء وسد حاجاتهم. ففي عيد الفطر شرع الله زكاة الفطر تدفع للفقراء، وفي عيد الأضحى شرع الأضاحي والهدايا للأكل والإهداء والصدقة. قال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Et pour que la joie soit complète et concerne toute la société, Allah a légiféré de par sa perfection et de par sa miséricorde pour ces deux célébrations des actes dans lesquels il y a la compassion et le comble du besoin des pauvres et des nécessiteux. Pour la célébration de la rupture du jeûne qui est Eid al-Fitr, il a légiféré Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, qui se donne une nourriture aux pauvres. Et pour la célébration du sacrifice, il a légiféré le sacrifice et les offrandes. Les sacrifices pour les non-pèlerins et les offrandes pour les pèlerins. Pour manger de ces sacrifices et de ces offrandes et offrir et pour donner en charité. Comme il est dit dans la traduction du verset cité ici, mangez-en, c'est-à-dire mangez de votre sacrifice et de votre offrande, et faites manger les nécessiteux. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، إذ ليس في دين الإسلام عيد شرعي سواها، لا عيد ميلاد ولا عيد معراج ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك أو الرئاسة. فكل عيد اتخذ في الإسلام سوى أعياده الثلاثة فهو عيد بدعي ندا للأعياد الشرعية. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين اللتين تغنيان عندها بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وذلك في يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وهذا ظاهر في اختصاص المسلمين بأعيادهم وغيرهم بأعيادهم. وروى ابن حبان والنسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، وبدل الشيء لا يجتمع معه. Et donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, l'auteur de Umdat al-Ahkam, c'est-à-dire Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, a fait suivre le chapitre de la prière du vendredi par celui de la prière des deux célébrations, pour lier entre eux les célébrations légiférées, la célébration hebdomadaire, qui est le vendredi, et la célébration de la rupture du jeûne et la célébration du sacrifice. Car il n'existe pas dans l'islam que ces trois célébrations. Il n'y a ni Eid al-Mouloud, ni l'anniversaire, ni la célébration de l'ascension, ni celle de la victoire, ni celle du trône, ni celle de la présidence, et toute célébration célébré en dehors de ces trois célébrations, c'est une célébration élevée qui vient concurrencer les célébrations légiférées. C'est pour ça, il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, rahimahullah, selon Aïcha, l'histoire des deux fillettes, deux jeunes filles qui ne sont pas encore pubères, lors d'une fête, ils sont venus chez Aïcha, ils ont commencé à chanter la victoire des Ansar durant la bataille de Bu'at, qui est l'une des dernières batailles qui a eu entre l'Aus et le Khazraj à Médine avant la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, et ces deux fillettes, leur chant chez Aïcha se passait pendant la fête, pendant l'une des célébrations musulmanes. Abu Bakr est rentré, et il a en quelque sorte réprimandé Aïcha. Et le prophète s'est tourné vers lui et lui a dit, laisse-les, chaque peuple a son Eid. Et celui-là, c'est le nôtre. Laisse-les, chaque peuple a ses célébrations. Et là, aujourd'hui, c'est notre célébration. Cheikh Al-Uthaymeen dit, et cela est clair, que les musulmans ont leur célébration spécifique. Et les autres communautés ont leur célébration. Ibn Hibban, rahimahullah, rapporte, ainsi qu'un Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, que Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréa, dit, quand le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé à Médine, et qu'il a constaté que les Médinois avaient deux jours où ils s'amusaient, deux jours de célébration où ils s'amusaient, etc. Le prophète leur a dit, Allah vous les a remplacés par deux célébrations meilleures. La célébration qui clôture le mois de Ramadan, Eid al-Fitr, et la célébration du sacrifice. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, et le remplaçant d'une chose ne peut pas se réunir avec ce qu'il remplace. Impossible de réunir la chose avec celle qui la remplace. ونأتي إلى الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. Le premier hadith dans ce chapitre qui est le hadith numéro 138 dans عمدة الأحكام, عبد الله بن عمر a dit, le prophète ainsi qu'Abu Bakr ainsi qu'Omar accomplissaient la prière des deux célébrations avant le serment. C'est-à-dire la prière avant la khutba. Et comme il l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans le vocabulaire, il a dit Abdullah ibn Omar a cité Abu Bakr et Omar pour confirmer que la khutba des deux célébrations se fait toujours après la prière et que ceci n'a pas été abrogé. Le prophète a fait ainsi que les deux khalifes après lui. Mawdou' al-hadith bayan al-asbaq min as-salat wal-khutbah fi al-eidain. Le sujet du hadith ici, le hadith montre que la prière de la célébration s'accomplit avant le serment. شرح الكلمات أبو بكر وعمر سبقت ترجمتهما وفائدة ذكرهما بيان أن الحكم لم ينسخ وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه رضي الله عنهما يصلون العيدين أي يصلون صلاة العيدين. ونأتي إلى الشرح الإجمالي فيقول رحمه الله يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر وعمر رضي الله عنهما البداءة بصلاة العيدين قبل خطبتهما وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان فخرج وخطب قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد فقال مروان إن الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. Donc le sens général du hadith, Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les nobles compagnons, annonce que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle des deux khalifes après lui, Abu Bakr et Omar, c'est de commencer avec l'accomplissement de la prière des deux célébrations. Commencer l'accomplissement de la prière pour les deux célébrations, avant le serment. Et cette sunna a été accomplie de la sorte jusqu'à l'époque de Marwan, qui a commencé à faire la khutba avant la célébration, avant la prière, durant les célébrations, sacrifices et rupture du jeûne. Et Abu Sa'id al-Khudri l'a repris sur cela, et Marwan lui a dit que les gens ne restaient pas après la prière. نأتي إلى فوائد الحديث مشروعية صلاة العيدين والخطبة لها. هذا La première des leçons à retenir dans ce hadith, la légifération de la prière des deux célébrations ainsi que leur khutbah, ainsi que leur serment. Les deux sont légiférés. Taniyan, anna mahalla al-khutbah fiha ba'da al-salat. La deuxième leçon à retenir ici, c'est que la khutbah, durant la célébration des deux fêtes, se fait après la prière. Après la prière des deux célébrations. وناتي الى الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فانه قبل الصلاه ولا نسك له فقال ابو برده بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا علاقا لنا جدعة هي أحب إلي من شاتين أفا تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. Et on passe au deuxième hadith dans le chapitre qui est le hadith numéro 139 dans le livre d'Umd al-Ahkam. Selon le Barra ibn Azib, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, le jour de la célébration du sacrifice après la prière de celle-ci, le messager d'Allah nous a fait le serment. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui a accompli notre prière, et après sacrifice son sacrifice, il a accompli son sacrifice, et celui qui aura sacrifié avant la prière, ne l'a pas accompli, c'est-à-dire il n'a pas accompli le sacrifice. Abu Barda ibn Niyar, l'oncle maternel de Barra ibn Azib, a dit, ô messager d'Allah, j'ai immolé ma brebis avant la prière, car je savais que c'est un jour où il faut manger, et j'ai égorgé, et donc et j'ai mangé avant de venir à la prière, et j'ai égorgé ma brebis, puis j'en ai mangé. Le prophète lui a dit, tu peux manger sa viande, mais il n'est pas considéré comme un sacrifice. Il n'est pas considéré comme un acte de sacrifice, il ne remplacera pas le sacrifice. Et il a dit, Abu Burda a dit, ô prophète d'Allah, nous avons à la maison une chevrette, c'est-à-dire une femelle de chèvre qui a moins de 6 mois. Une chevrette qui m'est préférable à 2 brebis. Serais-je dispensé de l'obligation si je l'émole? Le prophète lui a dit oui, cela ne dispensera personne après toi. Le prophète lui a dit oui, mais cela ne dépensera plus personne après toi. Pourquoi? Parce que la chevrette n'a pas atteint l'âge requis pour qu'il soit accepté comme acte de sacrifice. Mais Abu Barda était dans une situation particulière. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé. Il lui a dit oui, mais cela ne dispensera personne après toi. موضوع الحديث متعدد وأنسبه للباب بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين. Le sujet du hadith, le hadith traite plusieurs points, mais ce qui correspond au chapitre, c'est de montrer que la prière s'accomplit avant la khutba. شرح الكلمات خطبنا. أي قام فينا خطيبا يوم الأضحى يوم عيد الأضحى جمع أضحاة بمعنى أضحية صلى صلاتنا صلى مثل صلاتنا في الوقت والمكان والهيئة والمراد بها هنا صلاة العيدين، ويحتمل أن المراد هي وغيرها من الصلوات. نسك ذبح، نسكنا ذبيحتنا أي مثلها في الوقت والنوع والصفة، فقد أصاب النسك وافق النسك المشروع قبل الصلاة، قبل تمام صلاة العيد بالتسليم منها، فلا نسك له، فلا تقبل أضحيته عند الله تعالى. أبو بردة هو هاني بن نيار بن عمرو البلوي الأنصاري رضي الله عنه، شهد بيعة العقبة الثانية، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعدها، وكان معه راية بني حارثة في غزوة الفتح. توفي سنة 45. تغديت أكلت أكل الغدات، وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والغداء ما يؤكل في أول النهار. شاتك شات لحم، أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية. عناقا أنت من المعز دون 4 أشهر، أفتجزي بفتح التاء وكسر الزاي بعدها ياء، أي أتكفي عني أضحية، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على مقدر، والتقدير أو ضحي بها فتجزي، بعدك سواك. إذنك إسي يا دول حديث يا نوم كي سابيل أبو بردة كي هاني بن نيار بن عمرو البلوي الأنصاري كالله سبحانه وتعالى لغي. Il a assisté à l'allégeance de la deuxième stèle, l'allégeance qu'ont fait les habitants du Midin à Prophète alayhi salatu wassalam avant sa hijra alayhi salatu wassalam. Et il a assisté avec le Prophète alayhi salatu wassalam à la bataille de Badr et aux autres batailles. Et le jour de la conquête de la Mecque, il portait le drapeau et l'étendard de Bani Haritha. Il est mort au nom 45 de l'Hijr, radiyallahu anhu wa arda. ونأتي إلى الشرح الإجمالي. قال الشيخ العتيمين أسكنه الله فسيح جناته، يخبر البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه بعد أن صلى بهم صلاة عيد الأضحى، وبين لهم أحكام الذبح ووقته، وأن من صلى صلاة المسلمين ونسك نسكهم فوافقهم في سنتهم فقد وافق النسك المشروع وصار جديرا بالقبول، وأما من ذبح قبل تمام صلاته فأضحيته غير مقبولة ولا كافية. فأخبره أبو بردة بن نيار بأنه اجتهد فذبح أضحيته قبل الصلاة حبا لأن تكون أضحيته أول ما يذبح في بيته. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن شاته لم تقع أضحية، وإنما هي شاة لحم لأنها قبل الوقت. فأخبره أبو بردة بأن عنده في البيت عناقا أحب إليه من شاتين، وسأله هل تكفيه أضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. إذنك لسون جنرال دو حديث. البراء بن عازب أنونس كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم أفل خطبة pour ses compagnons après avoir accompli la prière du عيد الأضحى. Et il leur a clarifié le statut de l'immolation du sacrifice et le moment où il doit être fait. Celui qui accomplit la prière du sacrifice, qu'on accomplit, il a dit alayhi salatu wassalam, dans ce qui est rapporté dans le hadith, celui qui accomplit la prière de la célébration du sacrifice, qu'on accomplit les musulmans, et puis il a immolé son sacrifice, celui-là s'est conformé à leur sunna et il a concordé avec le sacrifice légiféré, il mérite d'être accepté. Quant à celui qui a immolé avant l'accomplissement de la prière, son sacrifice n'est pas accepté comme sacrifice. Il n'a pas rempli son devoir et l'obligation du sacrifice, il ne l'a pas rempli. Abu Buraïda Ibn Niyar, radiyallahu anhu arda, a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait des efforts d'interprétation et a égorgé avant l'accomplissement de la prière, car il aimait que le sacrifice dans son foyer soit le premier sacrifice. Le prophète lui a annoncé que sa brebis n'est pas considérée comme sacrifice, mais c'est de la viande tout simplement, car il a été égorgé avant l'heure, avant la prière. Abu Burda a dit, ô prophète, j'ai une chevrette à la maison que je préfère à deux brebis. Est-ce qu'il me déchargera de mon devoir du sacrifice? Le prophète lui a dit, oui, mais ne dispensera personne après toi. Pourquoi il lui a dit, ne dispensera plus personne après toi? Parce que la chevrette a moins de 6 mois. Et donc, il n'a pas atteint l'âge requis pour le sacrifice. C'est pour ça que la Sousla a dit, oui, il est valable pour toi, mais il ne sera pas valable pour quelqu'un d'autre après toi. Fawaid al-Hadith. مشروعية أولا مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة. Les leçons du hadith, la légifération de la khutba des deux célébrations, il doit se faire après la salat. La khutba bien vient après la salat, contrairement à ce qui se fait durant le Jumu'ah. ثانيا أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال. فَيَذْكُرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا. Deuxièmement, deuxième leçon, il est légiféré que la khutba convient à la situation et qu'il y soit traité ce qui convient aux situations du moment et aux sujets du moment et aux problèmes du moment et aux choses que les gens doivent accomplir dans le moment. ثالثاً أن من خالف سنة المسلمين فعمله مردود وإن كان عن حسن نية. La troisième leçon, celui qui diverge avec la sunna sur laquelle sont les musulmans, son acte est rejeté même s'il l'accomplit avec une bonne intention. C'est-à-dire celui qui est en divergence avec la sunna qu'a instauré le messager alayhi salatu wassalam, son acte lui sera rejeté même s'il avait une bonne intention. L'intention ne suffit pas. Il faut que l'acte concorde avec la législation. الفائدة الرابعة أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها لم تجزه وإن كان جاهلا مثل أن يذبح أضحيته قبل صلاة العيد. La quatrième leçon à retenir ici, celui qui accomplit une adoration avant son heure, ça ne le dispensera pas de la refaire. Ça ne le dispensera pas de la refaire après, même s'il est ignorant. Exemple, il égorge son sacrifice avant la prière, avant la célébration de la prière, du sacrifice. خامساً أن الأضحية لا تجزي بالصغيرة بالصغير الذي لم يبلغ سن الأضحية. La cinquième leçon à retenir, le sacrifice ne peut pas être accompli par la bête dont l'âge ne correspond à l'âge demandé. سادساً أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة حكم لجميع الأمة إلا أن يدل دليل على الخصوصية. Sixièmement, le jugement du prophète alayhi salam pour un individu de la communauté est un jugement pour toute la communauté, sauf s'il y a une preuve spécificatrice, comme le cas ici. Hein? C'est un jugement spécifique pour Abu Buraïda qu'il avait le droit d'égorger cette chevrette qui a moins de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà égorgé une brebis, c'est ainsi qu'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la seule chose qu'il avait à la maison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Mais ceci est spécifique. Donc la preuve ici, dans la parole du prophète alayhi wa sallam, il spécifie cette situation et cette solution tout simplement Abu Burda radiyallahu anhu arda. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Et donc le troisième hadith dans le chapitre qui est le numéro 140 dans Umdat al-Ahkam, Jundub ibn Abdillah al-Bajali, selon Jundub ibn Abdillah al-Bajali, le prophète a prié, dire la prière de la célébration du sacrifice. Et puis, le prophète a prononcé le serment. Puis le prophète a immolé sa bête. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui a immolé avant la prière, qu'il sacrifie une autre bête à sa place. Et que celui qui n'a pas encore sacrifié, qu'il le fasse au nom d'Allah. Rawi al-Hadith, Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali, radiyallahu anhu, suhbatuhu ghayru qadima, qalahu fil isti'ab, lahu 43 hadithan, سكن البصرة والكوفة ومات بعد الستين. Donc le rapporteur du hadith ici, Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali radiyallahu anhu arda. Il n'est pas ancien dans la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans le Si'ab. Il a été rapporté, il a transmis 43 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il a habité le Basra et puis le Koufa et il est mort après 60 ans, en l'an 51 ou 54 de l'Hégire. موضوع الحديث متعدد وانسبه للباب بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين. Le sujet du hadith, le hadith traite de beaucoup de sujets. Mais ce qui correspond au chapitre, c'est de montrer que la prière, doit s'accomplir avant la khutba pour les deux célébrations. La célébration qui clôture le mois de Ramadan, Eid al-Fitr, et la célébration du sacrifice. شرح الكلمات يوم النحر أي يوم عيد النحر أضيف إلى النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي والهدايا فليذبح بسكون اللام وهي لام الأمر مكانها بدلها بسم الله أي على اسم الله. ونأتي إلى الشرح الإجمالي يخبر جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة عيد الأضحى ثم خطبهم ثم ذبح أضحيته وكان يخرج بها إلى المصلى إظهارا للشعائر وتعميما للنفع وتعليما للأمة وأمر في خطبته من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها بدلها حيث ذبحها ذبحا غير مجزي وأمر من لم يذبح أن يذبح على اسم الله تعالى ليكون الذبح سلاء صحيحا والذبيحة حلالا. Donc le sens général du hadith, Jundub ibn Abdillah annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli avec ses compagnons la prière de la célébration du sacrifice et puis il leur a fait la khutba. Et puis il a immolé son sacrifice et le prophète a amené sa bête du sacrifice à la place, à la musalla, au terrain vague, là où s'accomplissait la prière à l'extérieur de Médine, pour faire apparaître les emblèmes de la religion et pour généraliser les bienfaits pour enseigner à la communauté. Je vous rappelle que cet acte, par exemple au Maroc, les représentants du roi, les préfets, etc., font la même chose dans différentes villes. Après la khutba, ils immolent sur le musalla la bête, une bête. Ils immolent le sacrifice sur la musalla. Et donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Il a amené sa bête et il l'a sacrifiée pour faire apparaître les emblèmes de la religion. et pour généraliser le bienfait et pour renseigner à la communauté ce qu'il doit faire. Et il a ordonné, alayhi salatu wassalam, dans sa khutba, celui qui a immolé avant la prière, qu'il immole une autre à sa place, car il a immolé à un moment qui ne le dispensera pas de son obligation. Donc il est obligé de immoler une autre après la prière. Et il a ordonné à ceux qui n'ont pas égorgé de le faire au nom d'Allah, pour que l'immolation soit correcte et la bête soit halal. نأتي إلى فوائد الحديث مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة. La première des leçons à retenir ici est la légifération de la khutba pour les deux célébrations. Il doit se faire avant la prière. ثانيا أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها. La deuxième leçon, il est légiféré que la khutba corresponde au temps et aux situations et qu'il y soit traité le sujet qui intéresse les musulmans à ce moment-là. Thalithan, mashru'iyyatu ta'khir dhabhi al-udhiya ila ma ba'da al-khutba wa jawazuhu qablaha ba'da as-salat. La troisième leçon, il est légiféré d'immoler le sacrifice après la khutba comme il est permis de le faire juste après la salat. رابعا وجوب ذبح بدل الأضحية على من ذبحها قبل الصلاة وإن كان جاهلا وتكون مثل المذبوحة أو أطيب. Quatrième leçon, il est obligatoire à celui qui a immolé le sacrifice avant la prière, même s'il est ignorant, de sacrifier une autre bête, car la première ne le dispense pas de son devoir. Et la bête doit être comme celle qu'il a égorgée avant, comme celle qu'il a égorgée avant l'heure, ou encore mieux que celle-ci. خامسا وجوب التسمية عند الذبح وهي شرط لا تحل الذبيحة بدونه لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Et donc la cinquième leçon à retenir ici, c'est l'obligation de dire Bismillah, de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la bête. Et c'est une des conditions pour que la bête immolée soit licite. Sinon, la bête est illicite. Pour la preuve qui est dans le verset, il ne mangeait pas de bête sur lequel le nom d'Allah n'a pas été prononcé. ونأتي إلى الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكترن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في توب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. Donc le quatrième hadith dans le chapitre qui est le hadith numéro 141 dans Umd al-Ahkam. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré agré son père, a dit: j'ai assisté à la prière de la célébration du Eid. Et celle-ci, c'est celle de Eid al-Fitr, comme il est rapporté dans un autre hadith. J'ai assisté à la prière de la célébration du Eid en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il commença par la prière avant de faire le serment sallallahu alayhi wa sallam. Et il commença de faire la prière avant de faire le serment. La prière s'est faite sans l'appel à la prière ni les iqama non plus. Il n'y a pas eu d'appel à la prière, il n'y a pas eu d'iqama non plus. Après cela, le messager alayhissalam exhorta les gens, en étant appuyé sur Bilal, en leur ordonnant de préserver les ordres d'Allah Azza wa Jal, en les incitant à obéir à Allah. Et il a exhorté les gens et leur a fait le rappel, puis il se dirigea vers les femmes, sallallahu alayhi wa sallam, et il les exhorta aussi, et leur a fait le rappel, et il a dit aux femmes, donnez l'aumône, car vous constituez la majeure partie des gens de l'enfer. Une femme au teint mat se leva au milieu de l'assemblée et demanda au prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi ô messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, car vous vous plaignez beaucoup et vous niez les bienfaits de vos maris. Les femmes se mirent à donner en aumône leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles et leurs bagues en les jetant dans le vêtement de, dans le giron du vêtement de Bilal qui recueillit l'aumône radiyallahu anhu wa arda. موضوع الحديث بيان أيهما أول الخطبة والصلاة في العيدين وحكم النداء للصلاة وكيفية الخطيب. Le sujet du hadith montre ce qui se fait en premier, la khutba ou la prière, des deux célébrations, et aussi le statut de l'appel à la prière et comment doit se tenir le khatib pendant sa khutba. شرح الكلمات شهدت حضرت يوم العيد. يوم العيد هو عيد الفطر كما في رواية أخرى فبدأ فابتدأ بلا أذان بغير أذان ينادي به لدخول وقتها ولا إقامة ينادي بها للقيام إلى الصلاة ثم قام وقف بعد الصلاة متوكئا معتمدا أمر أي أمر الناس أي طلب منهم بتقوى الله تعالى بسلوك ما يقع عذابه من فعل أوامره واجتناب نواهيه حتى حض طاعته الانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعظ الناس ذكرهم بما يلين قلوبهم من تواب الله وعقابه ذكر لهم ما لعلهم نسوه من أحكام الله وجزائه مضى ذهب حتى حرف غاية وتفيد هنا أن النساء بعيدات عن محل الرجال أتى النساء وصل إليهن يا معشر يا جماعة تصدقنا بذلنا المال لمحتاج تقربا إلى الله فإن كنا إلى آخرها الجملة تعليل للأمر بالصداقة حطب وقود جهنم النار العظيمة البعيدة القعر وهي مقر الكافرين في الآخرة امرأة لم يثبت من هي من ستة النساء من خيارهن أو من وسطهن في المكان أو السن أو الجمال سفعاء الخدين في خديها سفع وهو تغير اللون إلى السواد والخدان ثنية خد وهو صفحة الوجه لما اللام حرف جر وما استفهامية حذفت منها الألف لاتصالها بحرف الجر والغرض من الاستفهام العلم بأسباب كثرتهن في النار للبعد عن تلك الأسباب الشكاتة بفتح الشين الشكاية وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته تكفرن العشير تجحدن معروفه والعشير الزوج حليهن ما يتجملن به من الذهب والفضة يلقين يضعن والجملة بذل أو بيان لقوله يتصدقن أقراطهن جمع قرط وهو ما يعلق في الأذن من الحلي خواتيمهن جمع خاتم وهو ما يلبس في الإصبع من الحلي بلال هو ابن رباح الحبشي رضي الله عنه أسلم قديما بمكة وأظهر إسلامه وعدب عليه حتى كان أمية بن خلف إداحة ميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره وألقى على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزة، وهو يقول رضي الله عنه وارضاه: أحد أحد. فمر به أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه فاشتراه واعتقه. هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد، وتولى الآذان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في فجر أيام رمضان فيؤدنان جميعا، بلال قبل الفجر وابن أم مكتوم بعده. وقد ترك بلال الآذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الشام مجاهدا وتوفي فيها سنة 20. Dans ce noble hadith, ce quatrième du chapitre, dans ce hadith, il citait le noble compagnon Bilal ibn Rabah al-Habashi, Bilal ibn Rabah l'Éthiopien, ce noble compagnon qui s'est converti avec les premiers convertis à l'islam. Et il a fait apparaître son islam alors que c'était un esclave. Il se faisait maltraiter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Au point que Umayya ibn Khalaf le sortit au moment de la canicule et le jetait par terre et posait sur sa poitrine une grosse pierre pour qu'il délaisse l'islam et qu'il revienne à l'adoration de Lat wal Uzza. Et Bilal radiallahu anhu arda ne cessait de répéter Ahadun Ahad, il est unique, il est unique, il est unique, unique, unique. Abu Bakr radiallahu anhu arda est passé à côté de lui alors qu'il se faisait maltraiter. Et il l'a acheté et il l'a affranchi. Bilal a fait la hijra à Médine. Il a assisté à la bataille de Badr et à d'autres batailles. Il s'occupait de l'adhan à Médine, dans la mosquée du messager alayhi salam, en alternative avec Ibn Ummi Maktoum. Sauf, durant le fajr de Ramadan, ils faisaient l'adhan tous les deux. Bilal avant l'apparition du Fajr véridique, Ibn Mumktoum après l'apparition du Fajr véridique. Bilal radiallahu anhu a délaissé la Dan après la mort du prophète alayhi salam et il a quitté Médine et il est allé en combattant. Il est allé pour combattre dans Cham, au nord de l'Arabie. Il est allé combattre sur le sentier d'Allah et il est mort dans Hacham au long 20 de l'Égypte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. On est allé là à Sharh al-Ijmali. Yukhbiru Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu shahida salat al-Eid al-Fitri ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أذان ولا إقامة، ثم وقف أمام الرجال معتمدا على بلال رضي الله عنه، فأمر الناس بتقوى الله وحثهم على طاعته التي هي أساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وذكرهم بأحكام الله تعالى وجزائه، فوعظهم بذلك أكمل موعظة، ثم ذهب إلى النساء ليسمعهن ما أسمع الرجال من الموعظة، فأبلغ فيها وأمرهن بالصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار لعلها تقيهن من النار التي هن أكثر حطبها كما قال ذلك لهن. ومن أجل حرصهن على النجاة منها قامت امرأة تسأله عن السبب في ذلك ليبتعدن عنه، فأخبرهن أنه من أجل أنهن لا يصبرن على ضيق ولا يشكرن على معروف، يكثرن الشكاية ويكفرن العشير. قال جابر رضي الله عنه: فجعلن يتصدقن من حليهن من الأقراط والخواتيم وغيرها، يلقينه في ثوب بلال ليصرفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه. Donc on arrive au sens général du hadith. Jabir ibn Abdillah a annoncé qu'il a prié la prière de la célébration de la fin de Ramadan avec le messager alayhi salam. Le messager d'Allah a prié sans que l'adhan soit fait et sans qu'il y ait d'iqama. Et après, et sans qu'il y ait aucune forme d'appel à cette prière. Tout simplement, il s'est levé et il est rentré dans la prière, une fois que les gens sont alignés. Donc, Et après la prière, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé devant les hommes, en s'appuyant sur Bilal, et il a ordonné aux gens le fait de préserver les droits d'Allah, azza wa jal, taqwa Allah, mettre en application ses ordres, et s'abstenir de ce qu'il a interdit, avec preuve, en espérant les récompenses d'Allah, ou en ayant peur du châtiment d'Allah. Et il les a incités à l'obéissance à Allah, et il leur a fait une exhortation forte et complète. Et après, il est parti vers les femmes, et cela te prouve que les femmes étaient loin des hommes. Donc il est parti vers les femmes pour leur faire écouter ce qu'il a fait écouter aux hommes, comme exhortation. Et il a ordonné aux femmes de faire l'aumône qui éteigne les péchés comme le feu éteigne, comme l'eau éteigne le feu. Il a ordonné aux femmes de faire l'aumône, de donner la charité qui éteigne les péchés comme l'eau éteint le feu, pour qu'il les préserve du feu de l'enfer, car les femmes sont majoritaires dans le feu de l'enfer, comme leur a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ses nobles compagnantes tenaient à être sauvées du feu de l'enfer, une femme s'est levé interroger le prophète alayhi salam sur la cause de cela, pour qu'il s'éloigne, ridwanullahi alayhi najma'in, pour qu'il s'éloigne de ce qui va leur prévaloir, le feu de l'enfer. Le prophète alayhi salam leur a annoncé qu'il se plaignait beaucoup et qu'il ne patientait pas devant les difficultés de la vie et qu'ils sont ingrates face aux bienfaits de leurs époux. Jabir ibn Abdillah a dit: les femmes se mirent à donner en aumône leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs bracelets, leurs bagues, etc., en les jetant dans le giron du vêtement de Bilal, pour que le prophète les utilise dans ce qu'il voit. Pour que le prophète les utilise, les voies du bien qu'il voit, sallallahu alayhi wa sallam. Fawaidu al-hadith. أولا مشروعية الخطبة في العيد وأنه بعد الصلاة. La première des leçons à retenir ici, c'est que la légifération de la khutba pour les deux célébrations et cette khutba se fait après salat. ثانيا أنه لا يشرع لصلاة العيد آذان ولا إقامة ولا نداء غيرهما. Deuxièmement, il n'est pas légiféré l'adhan ni l'iqama ni toute autre forme d'appel pour les prières de célébration pour Salat al-Eid. Talitan, mashru'iyatu qiyam al-khatib hala al-khutba. La troisième leçon, il est légiféré que le khatib soit debout et se mette debout lors de la khutba. Khamisan, mashru'iyatu al-amr fi al-khutba bi taqwa Allah ta'ala wa al-hatti 'ala ta'atihi wa wa'dhi an-nas wa tadhkirihim. La cinquième leçon, il est légiféré lors de la khutba d'ordonner aux gens le fait de préserver les droits d'Allah, le fait et de les inciter à l'obéissance à Allah et de leur faire le rappel et de les exhorter. Al-fa'idatu as-sadisa, mashru'iyatu khuruj an-nisa' li salati al-'id wa ib'adihinna 'an ar-rijal. La sixième leçon ici, il est légiféré aux femmes de sortir pour assister à la prière des deux célébrations. Et ils doivent être loin des hommes. Sabihan, mashru'iyat takhsis an-nisa' bi khutbatin idha lam yasma'na khutbat ar-rijal. La septième leçon, il est légiféré de réserver une khutba pour les femmes si les femmes n'ont pas entendu la khutba qui a été faite pour les hommes. C'est-à-dire à la condition que les femmes n'aient pas entendu la khutba qui a été faite aux hommes. Taminan, jawazu at-taghlidh fi al-maw'idha idha iqtadat al-maslahah dhalik ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna kunna aktharu hatab jahannam. Donc la huitième leçon, il est permis d'être sévère dans l'exhortation si la situation le nécessite. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wasalam, vous constituez la majeure partie des gens de l'enfer. Tasi'an, kamal nushi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam وحرصه على تبليغ الشرع وبذل النصيحة للرجال والنساء. La huitième leçon, le conseil du prophète alayhi salatu wassalam est complet. Le conseil du prophète alayhi salatu wassalam est complet. Il tient ardemment à transmettre la législation d'Allah et à prodiguer le conseil comme il se doit aux hommes et aux femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ashiran, جواز تكليم الخطيب للحاجة. La dixième leçon, il est permis de parler au khatib, à celui qui fait la khutba, pour une nécessité. الحادي عشر, أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. La onzième leçon, l'aumône est un moyen pour être sauvé du feu de l'enfer. الفائدة الثانية عشر, أن جهد الإنسان وفقدان الصبر من أسباب العذاب. La douzième leçon, l'impatience de la personne et son ingratitude est une des causes du châtiment dans l'enfer. الفائدة الثالثة عشر, فضيلة نساء الصحابة. ويتبين ذلك بسؤالهن عن أسباب كثرة النساء في النار ليبتعدن عنها وبمبادرتهن إلى الصدقة وبتصدقهن بما تتعلق بأغراضهن وأغراض أزواجهن من الحلي. Donc, la treizième leçon ici, les mérites des femmes des nobles compagnons radouanallah alayhim. Et cela apparaît dans la question sur la cause qui fait que beaucoup de femmes sont le combustible de l'enfer. Et cette question, cherchant cette cause pour s'en éloigner, pour éloigner de ce qui prévaut le feu de l'enfer, et aussi fait partie de leur mérite, hein, il apparaît aussi dans la rapidité avec laquelle ils ont entrepris l'aumône. Ils ont donné en aumône leurs bijoux, qui constituent un moyen de s'embellir pour elles-mêmes et pour leurs époux. Al-Fa'idatu al-Rabi' Ashar. جواز صدقة الإنسان بما يتعلق به غرضه كساعته وقلمه إذا لم يفوت بذلك واجبا عليه. La quatorzième leçon, il est permis à la personne de donner en aumône un objet qui lui est utile, un objet qui a pour lui une utilité, comme sa montre, comme son stylo, hein. Si cela ne va pas lui faire rater une obligation. يقول الشيخ تنبيه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب لاحتمال أن تكون هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن ذلك أو أن تكون القصة قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة وصلاة العيدين شرعت السنة الثانية ومع هذين الاحتمالين لا يصح الاستدلال فإن من القواعد المقررة أنه إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. الشيخ il nous fait un rappel ici. Il dit, il n'est pas permis d'argumenter avec ce hadith pour la permission de dévoiler le visage de la femme devant les hommes étrangers avec lesquels elle a le droit de se marier. Car cette femme qui s'est levée devant le prophète alayhi salam et qui a parlé au messager alayhi salam et qui avait le visage découverte, il est probable qu'il fasse partie des femmes d'un certain âge auquel il est permis de dévoiler le visage ou que cette histoire est arrivée avant la descente du verset du hijab car le verset du hijab est descendu dans Sourate l'Ahzab, l'équalisé, et cette Sourate est descendue en l'an 5 ou l'an 6 de l'Hijr, alors que la célébration de la prière de l'Eid a été légiférée en l'an 2 de l'Hijr. Et devant ces deux probabilités, il n'est pas permis de prendre ce hadith comme preuve pour le dévoilement du visage de la femme. Il fait partie des règles confirmées dans la religion. L'argumentation est nulle quand il y a une probabilité. الحديث الخامس عن أم عطية رضي الله عنها عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خذرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Donc le cinquième hadith dans ce chapitre et le dernier hadith dans ce chapitre qui est le hadith 142 dans le livre de Umdat al-Hakam, Umm Atiya Nusaybat al-Ansariya a dit, le prophète nous a ordonné de nous rendre à la prière du Eid en compagnie des filles qui n'ont pas atteint la puberté et en compagnie des jeunes filles célibataires, hein, des jeunes filles vierges célibataires. Et il a ordonné aussi aux femmes en état de monstre d'être, de venir à Al-Musalla et d'être à l'écart du Musalla au prix des musulmans. Dans une version, on nous a ordonné de sortir pour la prière du Eid au point de sortir, hein, Dawat al-Khudur. Dawat al-Khudur, ce sont, Dawat al-Khudur, ce sont les filles quand ils sont pubères, qu'ils ont atteint l'âge de se marier. En général, ils sortent plus et ils restent dans une place réservée à elles sur laquelle on lâche un voile. Qu'il y a quelqu'un d'étranger, il y a le voile qui est lâché. Hein? Et donc, c'était une pratique chez les nobles compagnons, redouanullah alayhim. Et donc, dans une version, on nous a ordonné de sortir pour la prière, pour la célébration de la prière, pour la prière de la célébration, au point de sortir les filles vierges de leur khidr et les femmes en état de menstrue qui restent derrière les fidèles en prononçant le takbir comme eux et en invoquant Allah avec les musulmans espérant bénéficier du bien et de la pureté du jour. Rawi hiya Umm Atiya. نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها من كبار نساء الصحابة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وغزت معه سبع غزوات تخلف الغزاة في رحالهم كما في صحيح مسلم عنها وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن وعنها أخذت كثير من أحكام غسل الميت رضي الله عنها. Donc la transmetteuse des hadiths ici, c'est Umm Atiya Nusaybah bint al-Harith al-Ansariya, parmi les grandes compagnons du messager alayhi sallatou salam. Il a transmis un certain nombre de hadiths du messager alayhi sallatou salam. Et il assistait avec le prophète alayhi sallatou salam, il a assisté à cette bataille avec le prophète alayhi sallatou salam. Et Nusaybah Umm Atiya, pendant les batailles, gardait le campement des combattants, comme il est rapporté par l'imam Muslim. Et à l'époque du prophète alayhi salam, Nusayba s'occupait du lavage mortuaire des femmes. Et c'est elle qui a été pris beaucoup de points et beaucoup de leçons concernant le lavage mortuaire. Radiyallahu anha wa ardaha. Mawdou'u al-hadith, bayanu hukmi khuruj al-nisa'i li salati al-eidain. Le sujet du hadith, le statut de la sortie des femmes pour la prière de, pour la célébration de la prière, la prière des deux célébrations. شرح الكلمات في العيد في صلاة العيد أو في يوم العيد للصلاة. العواتق جمع عاتق وهي الأنثى التي قاربت البلوغ. دوات صاحبات. الخدور جمع خدر وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستر به. الحيض جمع حائض وهي البنت التي أصابها الحيض يعتزلن يتنحين عنه. مصلى المسلمين, مصلى المسلمين هنا مكان صلاتهم في العيد. كنا نؤمر أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم البكرة الأنثى التي لم يصبها الرجل فيكبرنا أي الحيض بتكبيرهم أي بمثل تكبير الناس. يدعونا أي الحيض فالنون للنسوة والواو من الفعل وليست واو جماعة وليست واو جماعة الذكور، أي يسألن الله تعالى بدعائهم بمثل دعاء الناس يرجون، أي الحيض أو جميع المصلين. والجملة تعليل لما قبلها، بركة ذلك اليوم خيره الكثير الدائم، طهرته التطهير من الذنوب. Donc, le sens général du hadith, Om Afiya annonce que le prophète a.s.w. a ordonné de sortir toutes les femmes, même celles qui ne sont pas encore pubères, et les pubères vierges, et les pubères qui ne sont pas mariés, Dawat al-Khudur, et aussi celles qui ont leur menstrues, qui ne prient pas. Hein, ils ne prient pas et resteront à l'écart de l'endroit de la prière, pour que le nombre de ceux qui font appât, pour que le nombre soit considérable de ceux qui font apparaître les emblèmes de la religion. Hein? Pour que le nombre de ceux qui font apparaître les emblèmes de la religion soit considérable, soit un grand nombre, ainsi que ceux qui l'invoquent et ceux qui l'implorent. Ainsi, ils seront proches de la miséricorde d'Allah et de l'acceptation de leur dua. Et pour que la miséricorde d'Allah et l'acceptation se généralisent, donc, شرح الإجمالي تقول يقول الشيخ رحمه الله تخبر أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج في العيد كل النساء حتى من لا عادة لها بالخروج من العواتق والأبكار ودوات الخدور، وحتى من لا تصلي ولا تمكث في المسجد كالحيض فيكن بقربه ليكثر المظهرون لشعائر الله وذكره وتكبيره ودعائه، فتكون الرحمة إليهم أقرب والقبول لهم أحرى، ولتكون الرحمة والقبول أوسع وأشمل. ونأتي إلى فوائد الحديث. أولا، مشروعية خروج النساء لصلاة العيد بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن به الفتنة بهن ومنهن، فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة. Et donc, la première des leçons à retenir ici, c'est il est légiféré pour les femmes de sortir assister à la prière, à la célébration de la prière des fêtes. Il est légiféré pour les femmes de sortir assister à la célébration, à la prière des deux célébrations, à condition qu'il n'y ait pas de fitna pour elle, ni à condition qu'il n'y ait pas de fitna pour elle, ni par elle. Et ne doit pas sortir parfumée, ni exhibée, dans de beaux vêtements montrant leurs atours. Tanyan wujub salat al-Eid. La deuxième leçon, la prière de l'Eid est obligatoire. Talitan, il est légiféré de faire tkbir dans le musalla et de le faire à voix haute. رابعا جواز التكبير والدعاء للحائض. Troisième leçon, il est permis à celles qui ont leur menstrues de faire takbir, de faire des dua. خامسا منع الحائض من المكث في المسجد. La cinquième leçon, il est interdit à celles qui est en état de menstruer de rester à la mosquée. سادسا ان مصلى العيد له حكم المساجد وان لم يحوط. La septième leçon, la musalla, où se célèbre la prière des célébrations, a le même statut que la mosquée, même s'il n'est pas entouré de murs. Sabi'an, al-ihtimam bi kathrati al-hadirin lis-salat wad-du'a wad-dhikr al-mashru'ain. La septième leçon, l'importance du nombre pour la prière, pour la célébration, pour la prière des deux célébrations, et pour le dua, et pour takbir légiféré. Il est important que beaucoup de monde y assiste, et que le prophète a ordonné même aux femmes qui ont leur état de menstrue de sortir tout le monde. Taminan, أن من طريقة نساء الصحابة تستر الأبكار ونحوهن في البيوت وعدم خروجهن. La huitième leçon est les des coutumes et des voies chez les compagnons et chez les compagnons radhiyallahu anhum ajma'in à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam de cacher les femmes vierges et de ne pas les faire sortir. Hein? Ici, et c'est là où se termine, hein, ce chapitre de ce chapitre concernant la célébration des deux fêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde l'allamatu Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde l'érudit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi. Et avant de nous quitter, je vous lis un passage, hein, de Cheikh, un petit passage de Cheikh l'Islam, Ibn Baz, rahimahullah, dans Hadith al-Masa, à la page 220. Bi-Ghuroubi, قال سماحة الشيخ Ibn Baz, rahimahullah, قال بعض أهل العلم, إن كان في الأوتار ليلة الجمعة, كانت آكد وأقرب أن تكون ليلة القدر وإن بغي لنا أن نعنى بهذه الليالي ولا سيما هذه الليلة وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من الاجتهاد في الخير. Et donc, lui dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit, certains hommes de science ont dit, si dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, se trouve parmi les nuits impaires la nuit du vendredi, il est fort, fort probable que ce soit cette nuit-là, la nuit du destin. Donc il est, hein, du devoir du musulman de s'occuper de toutes ces nuits, hein, de toutes ces nuits, de toutes ces dernières nuits, et de donner une particularité à cette nuit, hein, et de faire beaucoup d'efforts, c'est jamais, hein, la nuit. Une des nuits impaires, c'est la nuit du vendredi, comme c'est le cas pour certains aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يظفرنا وإياكم بليلة القدر ونجعلنا وإياكم من عتاقائه في هذا الشهر المبارك وفي ليالي هذا الشهر المبارك ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلوه سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المسلمين اللهم ارفع عن المسلمين هذا الوباء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا